dehors, j'ai plus de bouquet. Alors j'allume une allumette. Rouge et la fraise, mon calumet, long comme un fusil à lunettes. 2 heures du match, je passe à la pomme. Je pense à avant, ça me fait de la peine. Aujourd'hui, je suis seul. Où sont passés les sons de la veine? Voir le boss de Nicky Jam. Moi, j'ai souffert comme Nicky Jam. Moi, en vrai, je le laisse pas tomber. Sache que pour lui, je me nique une jambe. Le temps se passe vite. Le petit que je voyais en stunt a sorti le BM. Il a fait péter le charbon. Il a sorti les dernières TN. 30 000 en 3 jours. J'y crois pas, je réalise pas. 5 ans, 16 albums. Ça sera marqué dans l'histoire. Ma tête est cramée partout. Ma carrière et ma caisse. Comme si j'étais l'ennemi public numéro 1. Comme Faïd ou Jacques Metz. Depuis que le micro, j'agresse. J'aime cette fille, elle a le corps blanc et les yeux bleus un peu comme la Grèce. J'ai le cerveau rempli de rêves, pourtant mes yeux ont vu des cauchemars. J'ai vu des gens gratter des blondes et sur le poignet j'avais des Hotmart. J'ai mon label, je mets du doré et de platine. Et à part filer un Nike ou Decathlon, je porterai pas une autre marque. Heureusement que j'ai la mienne, j'aurais pu tomber sur une petite conne. Et les chemises qui viennent à 4, pourtant j'ai pas commandé chicken. Ma mère m'a dit, mon fils faut que tu écoutes. D'ailleurs on s'est retrouvé tout seul, demande à Tico. Envie de partir ailleurs comme dit Sticky, que personne check eux. J'ai assez partagé mon chicken chica. J'ai de la team, ben on fait partie du même tout. Avec ton vice, les gens checkers. Je dis ce que je vois, mais l'album est juste écoute. Je passe sur ma vie comme du shit. Mais en tout cas, tu m'es frites, toi, hein. Poto, on a galéré ensemble, on a partagé le pain frites. Et si la vie t'a baffé, qu'elle t'a réveillé, dis merci. Tu laisses pas engrainer par les tiros du Mario. Je suis à un Bercy, on me dit t'es loin, t'as percé. Et toi, j'ai vu qui t'étais, j'ai ouvert les yeux, ça m'a éclairci. Si demain je meurs, souris. Si je vais en prison, envoie des lettres. Moi, j'ai percé dans le rap, alors qu'à l'école, j'étais pas un bon élève. J'ai pas des livres. Tout ce que je dis, c'est ma Jinju Joule. Fais pas ta catin, gaga. Nous deux, je crois que ça va se finir en tchou-tchou. Dire qu'avant, j'avais pas un. Mon bat sur bête, je faisais tirer. Ouais, baby boy, il clôt tirage. Faut que t'es la bête qui sur le virage. Tout est fini, on se reverra plus. Faites comme si j'étais mort. J'aime mon quartier, mais ça attendait beaucoup trop de moi. Comme si j'étais mère. J'ai pris mes clics et mes claques. J'ai déménagé, j'ai pris mon disque d'or, mon mic, mes Nike, ma batte et mes claquettes. J'pars de là ou dans la cuisine, ça délie des plaquettes. À dire que maintenant y'a ma tête sur les jaquettes. Mais à Marseille, révélé sur YouTube, gros. Moi j'ai pas fait d'études, gros. Tellement vrai que mes adversaires plus le faux. Et en plus, faux, pas déconner, ça serait plus moi si demain sur Twitter, Facebook et Instagram, y'aurait plus de faute. 5 ans que j'évite la télé, on me dit si tu vas, tu fais des dégâts. Vas-y, foutre le feu avec toi et tes gars. J'crois que tu pourrais faire le tour du monde avec la voiture d'Italie. Fais tout, fresque Staline, jaloux, qu'est-ce qui t'arrive? Arrêtez le rap, c'est comme du rebraqueur, brûler sa cagoule. J'te braque, remplis le sac à balle pendant que toi tu portes des sacs à boules. Et ta maman, et ton papa, sois fidèle à Pablo comme tata. J'suis resté le même, le compte t'attend. Si tu le fais, après dis c'est tata. J'ai souffert, regarde mes yeux, j'suis marqué, regarde ma tête. Écoute que j'dis, écoute que j'vise, renverser la potion sur le pet. J'suis pas eu grand frère, j'suis pas pris des gifles. Big up au frère au beau mec, big up au frère à l'une, big up au frère à un rifle. Faut éliminer des gens, tu veux te faire ta place dans le circuit. À dire que même ton ennemi peut porter ton cercueil. Et moi j'essaie quand je fais des sons qui tuent et qui a pas de vue. Mais c'est pas grave, je continue le taf, je suis pas trop matubu. Et toi matubu, vu est-ce que tu crois que je suis la star? J'ai même pas un costard frère, je veux pas caler dans ma vie, je veux le starter. DP, nouvelle start-up, on déboule à 300 comme un spartiate. Hein? On rate toi, cheval de 3. Toi et ta bande, faites pas le poids. Faites pas le barbeau, s'il est tout seul, vous êtes à 3. Sur la moto, je suis à droite, la daronne veut porter ma 3. Oh ce cousin, je t'ai plus vu, tu dates comme un PS3.